Yo, je suis pas là pour me vanter, mais sans thune, je vais tenter de dire qu'il y en a marre de ramper. Y'en a marre, j'aime pas les effronter. Sans me tromper, je suis prêt à affronter tous ceux qui jouent avec la santé. Et cette politique nous explique pour nous tromper que si t'as pas de fric, t'es grillé. T'inquiète, on est juste quelques milliers à se tuer la tête pour des billets. Si t'as des tripes, on devrait être plus rusé. Que le gouvernement est musé. Au lieu de dépenser dans des fusées et le mire qu'ils ont lancé pour le moment. Qui fait que d'épuiser notre société, les otages c'est nous. Dans ma gorge le goût qui dégage et le dégoût des gars élus à des âges dépassés. Alors qu'ils devraient être dans une maison de retraite. Y'a pas que ça, c'est pire que tout. Que des pauvres partout, c'est partout. Ceux qui sont répartis dans des cités. Et cités de là, des cités comme moi. On veut ou pas, y'a pas de différence. On est pareil pour eux. Un avenir je veux. T'avertir que si on se laisse punir par ceux qui pensent qu'à eux, on n'est pas en priorité, même mieux, on peut claquer pour eux. Et si ceux de l'autre côté nous écoutaient, ce serait mieux, mais pour être dégoûté, de coûter trop cher à la société, y'en a marre. Mais s'ils y étaient à notre place, ils t'inquiéteraient pour nos gosses. On est trop en retard sur l'américain, même si Bush c'est un débile crétin. Qu'avec son armée, sa bouche, il est louche, il a qu'une mèche à allumer pour nous rayer la carte. Et il s'en fout de se suicider, c'est trop fou de qui se méfier des gens fous, il y en a partout. Comment prouver que quelqu'un est pas normal, alors qu'on peut entendre des prêtres pédophiles pas normal. Il faut que je râle, je pète des piles, c'est peut-être débile, c'est peut-être ce qu'ils veulent. Ouais, c'est peut-être ce qu'ils veulent, hein. Yo, je suis pas là pour me vanter, mais sans thune, je vais tenter de dire qu'il y en a marre de ramper. Qu'il y en a marre, j'aime pas les effronter, et sans me tromper, je suis prêt à affronter tous ceux qui jouent avec la santé. Qu'il y en a marre. Yo, je suis pas là pour me vanter, mais sans thune, je vais tenter de dire qu'il y en a marre de ramper. J'aime pas les effronter, sans me tromper, je suis prêt à affronter tous ceux qui jouent avec la santé. Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre.